rebelle brune à l'échange, tu nourris mes frissons. Tu m'emmènes en osmose et en baisse cupidon. À travers la sueur ou dans les draps de soie, tu m'élèves et j'en crève. Puis quand tu me fais ça, mon corps est l'échiquier. Mais tu n'es que le pion aux frontières du réel. Tu me dis que c'est bon, je t'emmène dans le ciel. Allez, viens avec moi, laisse-moi juste un instant t'effleurer de mes doigts. Que c'est toi qui viens en moi, je m'élève. Est-ce que c'est moi qui entre en toi, tu m'enlèves? Est-ce que c'est toi qui viens en moi, je m'élève? Est-ce que c'est moi qui entre en toi, tu m'enlèves? Le sucré de tes lèvres me rappelle ce doux poison. Mon corps saigne et ma sève s'écroule dans ton chaudron. Nos deux âmes se chevauchent et se fondent sous les draps. Les regards s'entrecroisent et se perdent dans le combat. Le sucré de tes lèvres me rappelle ce doux poison. Mon corps saigne et ma sève s'écroule dans ton chaudron. Nos deux âmes se chevauchent et s'effondrent sous les draps. Les regards s'entrecroisent et se perdent dans le combat. Toi qui viens en moi, je m'élève. Est-ce que c'est moi qui entre en toi, tu m'enlèves? Est-ce que c'est toi qui viens en moi, je m'élève? Est-ce que c'est moi qui entre en toi, tu m'enlèves?